Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot le plus rennais de tous les humoristes, Monsieur Tronc Vaubat. Salut, ça va bien? Ça va, merci. Et toi, merci de faire ton épisode retour parce qu'on t'a déjà eu dans le podcast avec Jérôme Le Tessier avec une belle anecdote que tu nous avais racontée. Oh, c'était magnifique. Et donc là, tu as une nouvelle anecdote qui m'a bien fait rire. Ouais, alors comme je te disais, en fait... C'est que au tout début où j'ai lancé mon spectacle, en fait, donc sachant qu'il était gratuit, notez bien qu'il était gratuit, ça c'est très important. J'ai reçu en fait un mail d'une personne me disant « Je viens de l'autre bout de la ville, votre spectacle est-il drôle ?» T'imagines le truc? J'avoue que c'est quand même une question de ouf, quoi. Ah, tu demandes à un humoriste s'il est drôle. Bien évidemment que j'allais pas lui dire non. Voilà, quoi. Alors, et selon ma mère, selon ma mère, effectivement. Hein. Et du coup, je lui ai répondu. Bon, je voulais l'insulter au début, forcément, parce que c'est ton premier réflexe. Mais je me suis dit, non, soyons plus intelligents que cette personne. D'accord. Et donc, je lui ai répondu, oui, c'est drôle, et en plus, c'est complet. Bim! Ah, voilà! Bien. Comme ça. Eh bien, écoute, magnifique. Est-ce qu'elle est venue voir le spectacle une autre fois? C'est possible, mais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et je pense que si elle est venue, elle a dû se faire très discrète. D'accord, ok. Parce que franchement, là, c'était magnifique. Quoi. Ah ben, c'est genre la meuf, tu sais, elle m'a pris genre pour sa boniche, quoi. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu comme si t'appelais un resto et tu disais, je viens de loin, c'est bon chez vous? Ouais, en gros, c'est ça. C'est le mec il va pas te dire non. Je vous cache pas que deux fois. C'est périmé depuis deux jours, ça va, c'est pas non plus. Exactement. Ça et passe, puis. Si mon poisson il est vert, c'est qu'il est bio en fait. Tu vois. Exactement. Vous inquiétez pas, buvez en même temps, ça fait passer le goût. Voilà, tu vois. Donc Et bah du coup j'ai quand même eu complet. D'accord. Et on s'est bien marré. Et ben c'est l'essentiel. Et est-ce qu'elle était là, je ne sais pas, mais en tout cas je me suis bien marré. Bah écoute, on verra bien. Peut-être une autre fois, hein. Peut-être sur ton deuxième spectacle, on verra. Peut-être. Bon, peut-être. Tu avais d'autres anecdotes? Est-ce que j'en avais d'autres? Oui. Alors ça me concerne vraiment. Ouais. C'est que un jour je suis allé en scène ouverte en fait. Et j'ai bu un soda avant de monter sur scène. Ouais. Et je suis arrivé, donc j'ai fait mon sketch, enfin un bout de mon sketch, et à un moment j'ai roté. Mais un bon truc, hein. Mais sur scène, moi j'essaye toujours de les faire passer entre deux blagues, tu sais, quand les gens rigolent. J'essaie de faire un petit bup, et après hop, je reprends. Voilà, bah là tu vois, j'ai essayé de faire comme toi, mais ça n'a pas marché. Que ça fait bup. Voilà, et les gens se sont vraiment bien marrés. Et t'en as, ils sont venus me voir à la fin du spectacle, ils m'ont dit, quand t'as roté, c'était franchement ta meilleure vanne. Je sais pas comment il faut le prendre. Je sais pas non plus. Et depuis, je ne bois plus de soda avant de monter sur scène. Les gens, j'imagine, qui reviennent te voir pour ton deuxième spectacle. C'est bah, ça. Et l'euro, il est où l'euro? Ouais, je vais faire un spectacle comme ça, juste une vanne, tu sais. Je fais juste un euro, merci beaucoup, c'est terminé. Voilà. Retrouvez-moi. Retrouvez-moi dans tous les bistrots. Et voilà, vous allez voir, je fais des super vannes juste en rotant. Ah bah, exactement. C'est comme ceux qui faisaient l'alphabet en rotant, tu pareil. Sais. Bah, toi, tu fais des vannes en rotant. Je sais pas si vous avez remarqué. Okay, mais. Et voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc, on te retrouve sur ta page Facebook. Tronc Vaubat, tout simplement. Ok, très bien. Bah, écoutez, avec plaisir. Donc, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Et Tinder. Tinder aussi, ouais, d'accord. Et Tinder aussi. Ok, pas de problème. C'est magnifique, tu peux. Bon. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Et me suggérer de nouveaux noms d'humoristes pour des prochains épisodes. À très bientôt, les amis. Bis à tous. Même à toi là-bas.